وهي رسالة الشيخ الفاضل العلامة محمد ابن صالح العثيمين، ويعتبر من أكابر أهل العلم كما لا يخفى على كثير منكم. Donc on a choisi, par la volonté d'Allah Azza wa Jal, de lire pour cette période, c'est-à-dire après la Asr, dans un fascicule, un petit livre qu'a écrit de sa propre main le noble savant Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen, qui fait partie des grands savants de notre époque, qui est mort il y a déjà plusieurs années. Et il a intitulé son livre « Aqidatu Ahli Sunnati wal Jama'a ». Fa inshallah, sayamur bina fi hadha ad-dars jumlatan jamila مما يتعلق بالاعتقاد، وقد أخذنا في دروس سابق شيئا كبيرا في هذا الباب، فهو عبارة عن مراجعة لمن درس معنا، والعلماء يقولون حياة العلم مراجعته، فلا يستغني أحد بمثل هذه الكتيب النافعة. Donc le sujet de ce livre porte sur la croyance, le dogme islamique. Il a intitulé son livre « La croyance des gens ou des partisans de la sunna et du groupe ». Naam. Et donc nous allons voir à l'intérieur, ou nous allons voir de par cette lecture des points essentiels de la croyance des gens de la sunna et du groupe. Naam. لهذه رسالة تقديم عظيم لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز عليه رحمة الله، فإن شاء الله نقرأها حتى يعم النفع. avant qu'on commence à lire de ce livre, on va lire déjà le préface qu'a rédigé le noble savant, l'ancien mufti du royaume d'Arabie Saoudite, un des imams de notre époque, le noble cheikh Abdelaziz ibn Abdullah ibn Baz. Il a rédigé dans son préface et il a écrit ce qui lui semblait bon de dire aux gens lorsqu'il lui a été lu le livre de son élève Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymeen. Faqala alayhi rahmatullah alayhima rahmatullah azza wa jal alhamdulillahi wahdahu والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى أهله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فقد اطلعت على العقيدة القيمة الموجزة التي جمعها أخونا العلامة فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، وسمعتها كلها، فألفيتها مجتملة على بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في باب توحيد الله وأسمائه وصفاته وفي أبواب الإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره. Donc là, Cheikh Ibn Baz, il dit qu'il a eu vent de l'écrit de Cheikh Saleh Al-Uthaymeen et qu'il l'a écouté entièrement. Pourquoi il dit qu'il l'a écouté entièrement, Mohammed ? Pourquoi il ne dit pas il l'a lu ? Parce que c'est un écrit, c'est un kitab. Pourquoi Cheikh Ibn Baz dit qu'il l'a écouté entièrement ? Et pourquoi il ne dit pas qu'il l'a lu ? Allahu a'lam. Normalement, si tu cherches un peu, tu vas trouver. Ah, Moussa. Parce qu'il était aveugle. Naam. Ma yaqdiru al-qira'a. Il ne pouvait pas lire, donc il avait un de ses talibs qui lui lisait les livres utiles. Donc, Cheikh Ibn Baz, il dit qu'il a écouté cette risala du début à sa fin. Wahada ينبغي أن نتأمل من نحن حتى نستغني عن سماع مثل هذه الكتيب مع أن هذا الجبل هذا الإمام قد سمعها من أولها إلى آخره. Donc là, quand t'entends qu'un imam comme Cheikh Ibn Baz, il te dit qu'il a pris de son temps, il a écouté la risala du début jusqu'à la fin. Ça doit nous interpeller. On ne doit pas sous-estimer ce genre de petits livres. Si lui, avec le niveau qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné, le degré qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné, il a passé son temps, il a pris de son temps pour écouter ce genre de fawa'id. Fa nahnu min babin awla. Donc nous, d'une manière encore plus évidente, on devrait passer un peu de notre temps à bien écouter ce genre de livre et les leçons qui s'y trouvent. Naam. Donc le Cheikh, il dit qu'il a écouté ce, yani la lecture de ce livre en entier, et il a trouvé que c'est un livre qui regroupe essentiellement la croyance d'Ahl Sunnati wal Jama'a. Wa hadhi faqat taskiyatan, hiya taskiyatan. وهذه تزكية لشيخ العثيمين من شيخه ابن باز على أنه يقر أن الشيخ العثيمين على ثبات وسنة على كتاب وسنة. Et ça, c'est une parole élogieuse de Cheikh Ibn Baz pour son élève, car en vérité, il confirme que Cheikh Al-Uthaymeen était bien de son vivant conforme à la croyance des partisans de la sunna et du groupe. Naam. ثم قال وقد أجاد في جمعها وأفاد وذكر فيها ما يحتاجه طالب العلم وكل مسلم في إيمانه بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. Et Cheikh Ibn Baz, il dit que Cheikh Al-Uthaymeen, il a évoqué dans ce livre-là, d'une manière résumée, tout ce dont a besoin un talib al-ilm. Ajaban. Fi hadhihi al-awraq al-yasira dhamma wa shamala jami' ma yahtaj talib al-ilm. هذا كلام من إمام يا إخوان هذا كلام من إمام ما يتكلم عن عبث ولا يتكلم عن جهل ولا يتكلم عن تجمل بل يتكلم بصدق وإخلاص وبعلم فهذا إمام يقول لك هذه رسالة يحتاجه كل طالب ويحتاجه كل مسلم فهذا يشد الانتباه. Donc là, l'imam Ibn Baz, il attire notre attention par sa parole lorsqu'il dit que c'est un livre où Cheikh Al-Uthaymeen a évoqué tout ce dont a besoin ou une grande partie de ce qu'a besoin de connaître un talib al-ilm, un étudiant en sciences, ainsi que tout musulman. Et ça, comme on disait, c'est les paroles de Cheikh Ibn Baz, qui est considéré comme un imam, un rénovateur. Donc c'est ce genre de personne, il ne parle pas sans raison. Il ne parle pas en vain ou pour rien dire. S'il nous dit ça, ça marque l'importance de ce genre de livre et de ce qui s'y trouve comme leçon à tirer. Naam. Naam. ثم قال وقد ضم إلى ذلك فوائد جمة تتعلق بالعقيدة قد لا توجد في كثير من الكتب المؤلفة في العقيدة أو في العقائد. Et là, encore une autre parole élogieuse de Cheikh Ibn Baz pour l'écrit de Cheikh Al-Uthaymeen. Cheikh Ibn Baz, il dit, il y a en ce livre énormément de leçons à tirer qui sont en lien avec la croyance et le dogme. Des leçons qui peut-être on aura du mal à trouver dans d'autres livres, dans bon nombre de livres qui parlent de l'aqida. هذا كلام غير يسير. فإن شيخ ابن باز مطلع على الكتب ولا شك. كتب القدماء وكتب يعني أصحاب وقته. Car شيخ ابن باز il a une connaissance des livres. Il a une connaissance des livres. Les livres des contemporains comme les livres des tes prédécesseurs. Alors s'il te dit que dans ce petit fascicule, il y a des leçons à tirer, qu'on aura du mal à trouver dans d'autres livres, dans bon nombre de livres qui ont trait à la aqida, au dogme, alors ça nous montre encore plus l'importance de ce livre. نعم. فجزاه الله خيرا وزاده من العلم والهدى ونفع بكتابه هذا وبسائر مؤلفاته وجعلنا وإياه وسائر إخواننا وسائر إخواننا من الهداة المهتدين داعين إلى الله على بصيرة إنه سميع قريب. وكان الله سبحانه وتعالى استجاب دعوته. Et donc là, le Cheikh Ibn Baz, il termine en faisant dua pour Cheikh Al-Uthaymeen, en demandant qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui rajoute de la science et de la guider, et qu'il rende son livre utile, c'est-à-dire pour les gens, ainsi que tous ses écrits, tous ses ouvrages, et qu'il fasse de lui, c'est-à-dire de Cheikh Ibn Baz, ainsi que de Cheikh Al-Uthaymeen, ainsi que de tous les frères. C'est-à-dire quand il dit « Sa'ir ikhwanina », c'est « min al-ulama », ainsi que tous ses frères parmi les ulama, des guidés pour ceux qui sont bien guidés et des gens qui appellent à Allah avec clairvoyance. Car certes, il est le bien-entendeur et il est proche. Na'am. Et on dirait « Wallahu ta'ala a'lam » qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accepté la dua du Cheikh Ibn Baz, car comme vous savez, les deux sont morts fi ta'atillah wa fi mardatillah fi ma nahsibuhum wa madha taraku li hadhihi al-umma an-nadij min al-kutub wal-fatawa wa an-nasa'ih wal-tawjihat بما ليس لهم مثيل في ذلك بما ليس لهما مثيل في ذلك car ils ont laissé après leur mort énormément d'ouvrages, énormément de conseils énormément d'avis juridiques. Par lesquels ils ne sont pas comparables. C'est-à-dire, personne parmi les savants de notre époque ont été utiles à la communauté comme ces deux savants, Cheikh Ibn Baz et Cheikh Al-Uthaymeen. Wa nasallallahu an yarhamahuma wa an yajma'ana wa iyahum. Et on demande à Allah Azza wa Jal qu'il leur fasse miséricorde et qu'il nous rassemble avec eux dans le plus haut degré du paradis. Naam. Donc c'est un livre qu'on va voir après la salat du Asr, Inch'Allah. Et contrairement au livre qu'on a lu ce matin après le Fajr, qui concernait salat Al-Fajr, qui était à la base une muhadara. C'était une muhadara. Taïb, ensuite les élèves ils l'ont écrite et elle a été publiée. Ça, c'est ce qui concerne le livre de ce matin. Hadi, c'est pas une muhadara. Ça, même si vous le voyez petit, on pourrait penser que c'est une muhadara qui a été transformée en livre. Non. Ça, c'est Cheikh Al-Uthaymeen qui l'a écrit de sa main. C'est Cheikh Al-Uthaymeen qui l'a écrit de sa main. À savoir, Yéhouan, fil ilm, c'est à dire, an al-alim, idha kataba, fa kitabuhu aqwa, fil ghalib, mimma yustafad min qawle. Lianna al-kitaba, tahtaj ila istihdhar. وتفكر وربما يعني إذا رأى كلاما أنسب يغير وهكذا بخلاف القول إذا خرجت خلاص أما الكتابة في شيء من الاستحضار ça c'est une faïda que je vous donne quand vous trouvez un livre où vous êtes sûr que ce n'est pas un regroupement de paroles, mais que c'est bel et bien l'auteur qui l'a écrit. Alors sachez que cet écrit, il est à prendre d'une manière plus importante que si ça aurait été des paroles qui auraient été rassemblées de lui. Parce que lorsque l'auteur, il écrit... Quand il écrit, il fait preuve de plus de concentration. Quand il écrit, il peut modifier les paroles là où il sent qu'il a besoin de modification. Donc le livre, il est plus pertinent. نعم. فهذا كتاب كتبه الشيخ العثيمين وإن شاء الله غدا نواصل ونأخذ شيئا ما في ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك.